Exercice 5, page 38. A. Il dessine. Il dessine bien. B. Elle conduit. Elle conduit trop. C. Il voyage. Il voyage beaucoup. D. Elle travaille. Elle travaille assez. E. Il attend. Il attend patiemment. F. Elle patiente. Elle patiente gentiment.